Section 67 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 16. L'Europe du Sud-Est. Fin de l'Empire grec. Fondation de l'Empire ottoman. 1282-1481. Première partie. L'Orient jusqu'au XVe siècle. Par Alfred Rambaud. Aspect général de l'Orient. La reprise de Constantinople par les Grecs, 1261, avait été un coup de grand éclat. Mais à la place d'un faible empire latin, elle n'avait fait que reconstituer un empire grec presque aussi faible. Il se composa de 4 groupes de territoires. Premier groupe d'Asie, le ci-devant empire de Nicée, avec Nicée, Nicomédie, Brousse, Scutari, Calchédoine, Philadelphie, Magnésie, quelques villes sur la mer Noire. Deuxième, les conquêtes des empereurs de Nicée en Europe, Constantinople, la Thrace avec Andrinople, Cérès, Mésembria, Misivri, Selembria, Silivri, une partie de la Macédoine avec Thessalonique, la presqu'île de Gallipoli, celle de Chalcidique, et, suivant les époques, une partie de la Thessalie. Troisième, un certain nombre d'îles comme Rhodes, Lesbos, Samothraki, Imbros. Quatrième, à la suite de la défaite des Français d'Achaïe en Pélagonie, un thème byzantin s'était reconstitué dans le Péloponnèse avec les forteresses de Monemvasia, Nauplie de Malvoisie, Misitra, Maïna, Passava, Leftro, et une sorte de protectorat sur les tribus maïnotes, saconiennes, slaves, taïgètes et scorta. Malgré les conquêtes de Jean III Vatatzès et de Michel VIII, il subsistait un despotat d'Épire. Un moment disloqué après la bataille de Pélagonie, le despotat se reconstituait sous Nicéphore Ier. Il comprenait tout le sud de l'Albanie et une partie de l'Étolie. Il avait pour capitale Janina, Johannina. En 1290, Nicéphore repoussait une double attaque de l'empereur Andronique II contre Janina et de la flotte génoise contre Arta. Un autre héritier de Michel II d'Épire, son fils naturel Jean Doukas Ier, avait épousé la fille de Taron, prince de la Grande Vlachie. Il hérita de cette principauté qui comprenait alors les anciennes provinces de Thessalie, Pélasgie, Phtiotide et Locride. Les Latins l'appelaient duc de Néopatras. Lui mort, 1305, la Grande Vlachie devait disparaître, conquise au nord par les Byzantins, qui reformèrent alors un thème de Thessalie, et au sud par les Catalans. Le duché d'Athènes, comprenant Thèbes, périt avec le duc Gauthier de Brienne à la bataille d'Orchomène, 1310. Alors s'y établit la grande compagnie catalane, qui guerroya contre la principauté de Morée et la Grande Vlachie. Cette stratocratie a laissé parmi les indigènes un mauvais souvenir. Encore aujourd'hui, Catilano est, dans la langue du peuple athénien, une injure. Elle resta puissante sous le chef qu'elle se donna en Roger d'Eslot, chevalier du Roussillon, qui conquit Néopatras, Salona, fit des excursions dans le despotat d'Épire et la principauté d'Achaïe. Le pape autorisa les archevêques de Corinthe, Patras, Otrante, à prêcher la croisade contre ces brigands. Alors, les Catalans députèrent à Frédéric II de Sicile pour se donner à lui et le prier d'investir son second fils, Manfred, de leur duché d'Athènes, 1326. Sous le duc Manfred, d'Eslot resta baille. Après lui, les Catalans ne tardèrent pas à perdre toutes leurs conquêtes et à disparaître comme État. un nouveau duché d'Athènes avec Thèbes, se reconstitua sous les Acciaiuoli de Florence. La principauté d'Achaïe, démembrée par l'établissement d'un thème byzantin dans le sud-est, fut gouvernée de 1301 à 1311 par Isabelle de Villehardouin et son troisième mari, Philippe de Savoie. Elle avait un suzerain, c'était alors Philippe de Tarente, fils de Charles II de Naples. Elle prétendait elle-même à la suzeraineté sur le duché d'Athènes, le marquisat de Budonidza, le comté de Salona, les seigneurs terciers de Négrepont, le duc de l'archipel. Outre le thème, les places maritimes de Coron, Modon, Nauplie de Romanie, Termisie, Argos, appartenant aux Vénitiens, échappaient à l'autorité du prince d'Achaïe. Le duché de l'archipel, ou Dodécanèse, comprenait une douzaine d'îles, dont la plus importante était Naxos. Il appartenait toujours à la famille vénitienne des Sanudo. Elle avait pour vassaux, dans les îles de Santorin et Thérésia, les Barozzi, dans Anafi, les Foscoli, dans Andros, les Dandolo, Kea, Tia et Serifos étaient partagés entre les Guidi, les Justiniani, les Micali. Les possessions vénitiennes en Orient comprenaient 1. Des îles inféodées, Tinos, Mycone, Skyros, Skiatos, Ogisi, Astipalia ou Stampalia au Quirini, Scarpantos au Cornari, Céphalonique et Zante aux Orsini. 2. Ce même duché de l'archipel et dépendance, qui relevait à la fois de Venise et du prince de Morée. 3. Des possessions directes. Les 5 villes de Morée, la Crète, l'île de Cerigo, Citerre, l'île de Corfou, enlevée en 1386 à Louis de Hongrie, des quartiers fortifiés à Constantinople et dans d'autres villes de l'Empire grec. En 1489, l'Empire vénitien s'accroîtra de Chypre, que le dernier souverain de l'île, Catherine Cornaro, une vénitienne, léguera à la République. Les possessions génoises comprenaient d'abord Galata et Pera, faubourg de Constantinople, au nord de la Corne d'Or. C'était de véritables places fortes, des enclaves au cœur de l'Empire grec. Les Génois s'étaient emparés du commerce de la mer Noire et, de force ou de gré, soit aux dynastes locaux, soit aux empereurs de Trébizonde, avaient enlevé les principaux ports de la Crimée et la côte sud de la future Russie. Caffa, Théodosie, Balaclava, où il y eut, en 1400, 5000 maisons européennes, où s'élèvent encore les tours génoises. Tana, Azov, à l'embouchure du Tanaïs, Don. En Asie mineure, ils enlevèrent à l'Empire grec les îles de Chios et Lesbos, et sur la terre ferme, l'antique fossé, auprès de laquelle ils bâtirent la nouvelle fossé, Focea Nuova ou Folia. Ici, la République était représentée par des familles qui tendaient à devenir des dynasties. Par exemple, les Gataluzi de Metellin, Lesbos et Folia, les Acaria de l'île de Chios, ou plus tard une grande compagnie de commerce, la Mahone, où les Giustiniani prirent leur place. Une branche des Cataluzzi régna aussi à Enos en Thrace. Les Génois guerroyèrent contre Chypre et y conquirent Famagouste, qu'ils gardèrent de 1373 à 1464. Sur la côte nord de l'Asie mineure se maintenait l'empire de Trébizonde. Le reste de la péninsule appartenait aux Turcs Seljoukides, d'abord groupés sous un seul sultan, celui d'Iconium, bientôt partagés entre une dizaine d'émirats. Cette masse de territoire barbare était flanquée de 2 États chrétiens, épaves de l'ancienne Arménie. Au nord-est était le royaume de Géorgie. À la mort d'Alexandre Ier, le dernier roi qui ait eu quelque puissance, 1407-1442, il se morcellera en 3 États très faibles, tributaires de leurs puissants voisins ou disputés entre eux. Au sud-est se maintenait le royaume d'Arménie. Il avait reconnu en 1290 la suprématie romaine. En 1342, une branche des Lusignan, par un mariage avec l'héritière des derniers Rupénides, y fera son avènement. En 1375, le royaume sera conquis par le Soudan d'Égypte. Le royaume de Jérusalem n'aurait plus été qu'un vain titre si les Latins l'avaient réussi à conserver sur la côte de Syrie une dernière place forte, Saint-Jean d'Acre. Dès 1192, le titre royal avait dû passer aux Lusignans de Chypre, qui devinrent alors rois de Jérusalem et de Chypre. Les Latins d'Acre étaient toujours pressés par un redoutable ennemi, le Soudan d'Égypte, maître de Damas et de la Syrie. Un moment, les Latins d'Acre, de Chypre, d'Arménie, essayèrent contre le Soudan de s'appuyer sur les Khans mongols de Perse. Les Égyptiens repoussèrent Latins et Mongols dans les deux batailles d'Ims, 1260 et 1281. Puis le Soudan calife Ascraf vint assiéger Acre et l'emporta d'assaut, 1291. Les hospitaliers, chassés de Palestine, trouvèrent bientôt le moyen de se reformer en état souverain. Après avoir tenté d'obtenir l'île de Rhodes par négociation avec la cour byzantine, ils s'en emparèrent de force, 1310. Ils possédèrent même un moment, sur le continent, Smyrne, 1343-1402, et la forteresse de San Pietro. Ainsi, dans le cadre que l'Empire romain d'Orient avait autrefois trouvé trop étroit pour lui seul, et dont il n'occupait plus aujourd'hui que la plus faible partie, 20 dominations chrétiennes ou musulmanes avaient pu s'installer. Mais l'énumération de ces États, Bulgarie, Serbie, Épire, Grande Vlachie, duché d'Athènes, principauté de Morée, duché et baronnie feudataire de l'archipel, comté des îles Ioniennes, États vénitiens, génois, seldjoukides, géorgiens, arméniens, empire de Trébizonde, royaume de Chypre, théocratie militaire de Rhodes, ne donnerait qu'une faible idée du morcellement infini de l'Orient. Pour beaucoup de ces régions, au mot d'État, il faudrait substituer celui d'anarchie. L'anarchie en Épire. Après Nicéphore Ier, l'Épire fut gouverné par des princes de sa maison, les Langes, jusqu'à 1314, puis par des Orsini de Céphalonie. L'empereur de Byzance, Andronique III, essaya de la conquérir. Le grand Dushan, tsar de Serbie, la comprit un moment dans son empire. À la fin du XIIIe siècle, il y a trois Épires, l'une au nord sous les bois del Monte, originaire de Florence, l'autre au sud sous les Tocci, originaire de Bénévent. La troisième, à l'ouest, avec les ducs de Duras, Durazzo, de la maison d'Anjou, depuis 1294. Puis avec les Balza, les Baux de Provence, depuis 1373. Ceci, même après les conquêtes turques, 1383-1421, se maintinrent dans la Mirdici, où la famille existe encore. Les Skipetars, ces autochtones de la péninsule, peut-être descendant des Pélasges, peut-être la souche d'où sortirent les Doriens, ont perpétué à travers les siècles la Grèce homérique. Ils se divisent encore aujourd'hui en deux fractions. Au nord de la rivière Schkumb, de l'ancienne Via Egnatia, les Guelgues, les plus belliqueux de tous, et dont les plus braves sont les Myrdites, les Djoukadjines, les Malissors, les Clementi. Au sud, les Tosques. Les premiers tendaient dès lors à se répandre sur les pays serbes, les seconds sur les pays grecs. Chez les premiers dominait le catholicisme, chez les seconds l'orthodoxie. Plus tard, l'islamisme fit chez les uns et les autres de nombreux prosélytes. Nous avons vu que nul chef du XIIe au XIVe siècle n'a réussi à former de l'Albanie un État. C'est qu'il était impossible, avec la diversité de dialectes et de religions, d'en former une nation. Sous toutes les dynasties, grecques, italiennes, même françaises, subsistait la vieille organisation du pays. Les clans avec leurs chefs héréditaires, retranchés dans les forteresses de la montagne. Cette race belliqueuse, quand elle ne se détruit pas elle-même en d'interminables guerres civiles, produit des mercenaires et des condottieri, pour les guerres du monde entier. Dans les temps antiques, elle a donné Pyrrhus. Au XVe siècle, elle a suivi Skanderbeg. Au XVIe siècle, ses chefs d'Armatole et de Stradiote ont combattu pour ou contre tous les princes de l'Europe. Tel fut Mercure Boas, dont Sané Coronaios a chanté les exploits. L'Albanie n'a jamais pu s'unir pour secouer le joug ottoman. Mais jamais elle ne l'a subi que pour la forme. La porte se heurtera dans le pays à d'obstinés rebelles, où y recrutera de vaillants soldats. Jamais elle n'y aura de sujet. L'anarchie dans la Hellade centrale et la Morée. Philippe de Savoie, prince de Morée au nom de sa femme Isabelle de Villehardouin, ne cherchait qu'à faire de l'argent. N'osant s'attaquer aux privilèges des barons français, il préféra violer les chartes octroyées aux Grecs et aux Slaves. Ils s'insurgèrent et appelèrent à leur secours le stratège byzantin de Morée. Ils furent vaincus et subirent une répression sévère. Toutefois, l'alliance des Slaves et des Grecs poloponésiens subsista. C'est de cette époque qu'on fait dater la tendance des premiers à s'absorber dans les seconds, à s'héléniser. Quand Isabelle mourut, 1311, une fille qu'elle avait eue de son second mari, Florent de Hainaut, succéda. Maud de Hainaut avait 18 ans. La situation de la principauté était singulière. Maud en était princesse usufruitière et viagère. Elle avait dû céder à la maison de Bourgogne la nue propriété. Philippe de Tarente conservait la suzeraineté, mais sans droit effectif. On fit subir à Maud une spoliation totale. Elle mourut captive au château de Loeuf, près de Naples, 1324. La Bourgogne céda ses droits à Philippe de Tarente, qui fut à la fois suzerain et souverain. Il mourut en 1322. Son fils Robert put réunir les titres de prince d'Achaïe, suzerain d'Athènes et de l'archipel, empereur de Romanie. Pendant que les maisons d'Anjou-Sicile, Bourgogne, Aragon ergotaient sur la casuistique du droit féodal, on devine ce que devenait en réalité le pays. D'abord les Catalans, les Vénitiens, les Génois, les Hospitaliers, établis dans la presqu'île ou dans ses dépendances, s'inquiétaient fort peu de savoir qui était prince viager, usufruitier, nu propriétaire ou suzerain. Des villes comme Pollène, Tritea, Mitridio avaient profité de ces discordes pour s'ériger en communes autonomes. Les tribus slaves, saconiennes, mainotes, pour s'émanciper et revenir à la vie des clans. Le stratège byzantin pour étendre ses empiètements. Les barons latins pour se former en une sorte de république oligarchique. Les plus puissants de ces barons étaient alors les sires de Calandritza, d'Acova et de Caritena. Une partie d'entre eux avait député à Constantinople pour proposer de reconnaître la suzeraineté du Basileus. La rébellion de Cantacuzène empêcha la cour byzantine d'accepter leur offre. Le prince Robert étant mort en 1364, sa femme, Marie de Bourbon, dut partir. Alors dominèrent successivement Jean de Hérédia, grand maître de l'hôpital, invoquant un testament de Jeanne Ier de Naples, confirmé par Clément V. Pierre de Saint-Supérant, bail pour Jacques Desbaux, Balza, alors prince titulaire d'Archaïe, empereur titulaire de Romanie. Puis, Hasan Zacharia Centurione, baron de Calandritza et Arcadia. On remarquera que partout, à cette époque, l'élément français, dans les îles Ioniennes, dans la Hellade centrale, dans la Morée, cède la place à l'élément italien. Au nom français du XIIIe siècle succèdent ceux des Tocci, des Orsini, des Centurioni. Peu à peu disparaissait ce que nos chroniqueurs avaient appelé la Nouvelle France. Le pays de la conquête devenait le pays des banquiers, devenus princes à coups d'argent. C'est encore plus sensible à Athènes, Thèbes et Néopatras. Quand s'affaiblit la puissance catalane, ce n'est pas un héritier des La Roche qui reparaît, mais bien une famille italienne. Nicola Acciaiuoli, un banquier florentin, s'est poussé dans la Hellade. Il prête, il prend des hypothèques, il achète tout ce qui est à vendre, charges ou terres, usufruits ou nues propriétés. Jeanne de Naples le fit grand sénéchal de son royaume. Catherine de Valois lui vendit ou lui engagea des fiefs en Morée. Outre Amalfi et Malte, il obtint le gouvernement de Corinthe, 1358, les châteaux de Vulcano, Mécène, Piade, près d'Épidaure, etc. Quand il mourut, 1365, ses fils Angelo et Robert engagèrent Corinthe avec sa baronnie à un de leurs parents, Nerio Ier, Acciuioli. Ce Nerio étendit ses domaines en Attique et Béotie. Ladislas de Naples le fit duc d'Athènes, 1394. Nerio laissa un testament qui donnait à Antonio, son fils naturel, Livadia et Thèbes, à sa fille Francesca, le duché d'Athènes, à la République de Venise, la tutelle de sa fille, au chapitre Sainte-Marie du Parthénon, la ville d'Athènes. En même temps, il stipulait que, sous l'autorité du chapitre, Athènes jouirait de la liberté municipale. C'était préparé d'interminables conflits entre la cité orthodoxe et son chapitre catholique. Le bâtard Antonio, dont la mère était une grecque, s'insurgea contre ce testament. Il entra dans Athènes grâce à la complicité du parti grec, força la garnison de l'acropole à capituler, se proclama duc d'Athènes, fut assez habile et assez riche pour faire reconnaître son titre par le sultan des ossements lisses, Bayezide Ier. Il conclut un traité de commerce avec Florence, s'attacha à la population hellénique, voir son éloge dans Chalcocondylas et Frantès, fit de sa capitale un centre de commerce et un centre intellectuel. Ayant épousé Maria de la vieille famille des Mélicènes, il reçut en dot une partie de la Tsaconie. Son neveu et successeur, Nerio II, 1435-1453, commença par chasser la femme grecque d'Antonio. Lui aussi s'adressa aux Turcs pour faire confirmer ses pouvoirs. D'autre part, il sut intéresser à sa cause les barons et les évêques d'Achaïe, qui redoutaient le gouvernement d'une Mélicène, d'une grecque orthodoxe. Il paya tribut à Constantin Dragagès, despotesse grecque de Morée, puis au sultan Osmanlis. Ce fut un gouvernement sans gloire, mais qui maintint prospère l'Attique et la Béotie. L'anarchie de l'archipel. Le duché de l'archipel fut gouverné successivement par les Sanudo, depuis Marco Ier, mort en 1220, jusqu'à Giovanni, 1341-1462. La fille de ce dernier, par son mariage avec Giovanni della Carceri, seigneur de deux tiers de Négrepont, fit passer la souveraineté à cette famille. Quand celle-ci s'éteignit, les crises pyrénières de 1383 à 1537. Toute l'histoire de cet état peut se résumer en trois mots. 1. Procès et guerre de succession. 2. Lutte féodale contre les vassaux indociles des îles voisines. 3. Ravage des pirates génois, seldjoukides, puis osmanlis. Parmi les guerres civiles, il y en eut de mémorables par leur absurdité. En 1286, un âne, appartenant à un Ghizi, seigneur de Ténos et Mykone, fut enlevé par des corsaires et vendu à Guglielmo Sanuzzo, fils du duc Marco II. Le Ghizi, furieux, se jeta sur l'île de Syra et assiégea Guglielmo dans le château. L'affaire fut enfin soumise à l'arbitrage de Venise, qui ordonna la restitution de l'âne. Mais la lutte avait dévasté presque toutes les îles. L'archipel avait tant souffert des guerres civiles, des incursions byzantines et des pirateries, qu'en 1470, il n'y avait plus que 300 habitants à Santorin. Andros n'en avait, au milieu du XIVe siècle, que 2000. Amorgos était totalement déserte. Les immigrations albanaises vinrent combler les vides. Le XIIe siècle avait été signalé par l'apparition des Vlaques sur tous les points de la péninsule balkanique. Le XIVe siècle est au contraire celui des Albanais, qui semblent avoir absorbé une partie des Roumains Morlak et Zinzari. On trouve des colonies albanaises jusque dans l'île de Chypre. Ainsi donc, parmi les éléments Alventis, substitution des Italiens aux Français. Parmi les éléments indigènes, prédominance des Albanais. Telle est l'évolution ethnographique de l'Orient. Fin de la section 67.